Radiomatique. C'est la transmission 519 d'Audiomatique. Les sonoristes ont choisi de vous présenter la violoncelliste et chanteuse d'origine guatémaltèque, mais habitant au Mexique, Mabe Frati. De son plus récent et quatrième album solo intitulé Sentir que no sabes, qui a été lancé le 28 juin 2024, nous écoutions la chanson Descubrimos un suspiro. S'ensuit la musique du projet Tangent pour continuer à propager l'onde sonore d'Audiomatique. Thank you. Thank you. Audiomatique. Cette séquence se concluait sur la musique de la formation de Future Sound of London et sa composition Trichome, qui apparaît sur l'album Environment 7.003, paru en 2023. Avant The Future Sound of London, c'était le projet québécois Galerie Stratique, de qui nous écoutions la composition Frozen Lakes, tirée du premier album Nothing Down to Earth, publié en 2001. Et on amorçait la séquence avec Tangent et la pièce Gravitational Singularity, qui est sur l'album Collapsing Horizons, sorti en 2016. Et allons-y maintenant avec la formation Espiritus. Thank you. Audiomatic, nous venons d'écouter la formation Control Bleeding et la composition After the Rain qui apparaît sur l'album Between Tides, sorti en 1986. Avant Control Bleeding, c'était le projet Soviet France et la courte pièce Caisse s'affaire Plainte, tirée de l'album Look Into You, paru en 1990. Et pour amorcer la séquence, c'était le groupe Espiritus qui nous offrait sa composition Bosques Girando al Ritmo del Sol, qui était une pièce inédite réalisée en 1987 et qui a été publiée exclusivement sur la compilation Territorio del Eco Experimentalismo y Visiones de lo Ancestral en el Perú, produite par l'étiquette Boo Records. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec l'artiste français Rahim C. Redcar. C'était à Audiomatic, l'artiste français Rahim C. Redcar, qui a déjà créé, sous le pseudonyme de Christine and the Queens, du plus récent album de Rahim C. Redcar, intitulé Hope Core, et sorti le 27 septembre 2024. Nous vous avons offert la chanson Opera, I Understand. En conclusion de cette transmission 519 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre le quatuor londonien Crows, qui a récemment fait paraître son troisième album Reason Enough le 27 septembre 2024. De ce nouvel opus, nous entendrons la chanson Land of the Rose. C'est mercredi prochain dès 17h que les sonoristes se retrouveront devant les consoles du studio de la radio CFOU 89.1 FM pour piloter la transmission 520 d'Audiomatic. D'ici là, n'hésitez pas à consulter le profil facebook.com/audiomaticcfou pour accéder aux liens vers les archives et ainsi pouvoir découvrir nos choix musicaux des 10 dernières années. Voici le groupe Crows et la chanson Land of the Rose. C'était Audiomatic avec les sonoristes.